Chapitre 7, deuxième partie, l'art français, par André Michel et Henri Lavoie. La sculpture de Michel Colombe à Germain Pilon. L'art robuste et trapu, le réalisme fougueux, tourmenté et parfois comme congestionné de l'école franco-flamande qui, de Klaus Luther à Jacques Morel et à Antoine Lemoiturier, avait du nord au midi et de l'est à l'ouest, rayonné sur tout le pays et au-delà même des frontières, se trouva, dès la seconde moitié du XVe siècle, en contact avec les premiers émissaires de l'art italien. À vrai dire, Francesco Laurana, dont on a vu plus haut le rôle, et Guido Mazzoni, que Charles VIII créa chevalier le jour même de son entrée à Naples, 12 mai 1495, et qui devait rester plus de 20 ans en France avec sa femme et sa fille, sculpteur comme lui, était profondément pénétré de naturalisme. Il ne put guère y avoir sur les principes de désaccord absolu entre eux et les maîtres français. Mais ils apportaient une grammaire ornementale tout à fait différente, et toutes les fois que sur les pilastres d'encadrement d'un bas-relief de cette époque, d'ailleurs tout savoureux encore de l'accent et du goût de terroir, on voit pétiller ces fines arabesques dont la vogue fut si universelle, on peut être assuré que les documents d'archives y révéleront le travail de quelqu'un de ces nombreux marbriers ultramontains établis en France, appelés par le roi pour ouvrer de leur mestier à l'usage et mode d'Italie, 1497. Dès 1504, ils eurent à Paris même une sorte d'atelier officiel, l'hôtel du Petit-Nel, où logèrent Guido Paganino, Montorzoli, les Delia Robbia, Benvenuto Cellini, etc. C'est ainsi qu'à l'abbaye de Solesmes, l'encadrement de la grotte qui abrite les 8 personnages du beau sépulcre, daté 1496, est flanqué de pilastres dont la décoration tranche vivement sur le style général de la plupart des figures et de l'architecture. On ne connaît pas l'auteur de ce groupe célèbre. Monsieur Palustre serait assez disposé à y reconnaître, sinon la main de Michel Colombe, du moins son influence et celle de son atelier. L'attribution n'est pas invraisemblable. En tout cas, cette juxtaposition dans un même monument des deux éléments dont la fusion allait constituer le nouvel art français, ces portraits d'un naturalisme si franc et d'un style si large comme celui d'Armagnac, et à côté cette figure du garde du tombeau à demi-italienne avec son armure de style antique, cette pénétration et cette atténuation déjà sensible du réalisme franco-flamand par le classicisme commençant, sont bien les caractéristiques de la manière et du rôle de Michel Colombe. Natif de l'évêché de Saint-Paul-de-Léon, il avait à Tours, depuis 1473, dans la rue des Filles-Dieu, un atelier fort bien achalandé. Il avait commencé par admirer les maîtres franco-flamands, dont il avait pu voir à Nantes, au portail de la cathédrale, de vivantes figurines. Mais l'art ultramontain n'avait pas tardé à exercer sur lui sa séduction, et dans l'interprétation de la nature, il avait apporté plus de choix et de sérénité. Aux plis multipliés et tumultueux à cassures vives, chers au maître Bourguignon, il avait substitué une draperie largement étoffée, mais plus simplifiée. À l'individualisme énergique et rude des figures, une discrète idéalisation qui atténue plus qu'elle ne supprime les aspérités du caractère individuel. Enfin, il avait embauché des marbriers italiens, tailleurs de maçonnerie antique, dont les comptes nous ont révélé les noms, pour mettre dans l'ornementation de ces bas-reliefs ou tombeaux, qu'il s'agisse de la belle sépulture de François II, duc de Bretagne, 1502-1507, ou du combat de Saint-Georges contre le dragon pour le retable du maître-autel de la chapelle du château de Gaillon, 1508, la gaieté des arabesques à la mode. Il était presque octogénaire quand il acheva ce travail et il termina peu de temps après, pour l'église Saint-Sauveur de La Rochelle, un sépulcre pour lequel il s'était engagé à faire les portraits et images ci après déclarés. C'est à savoir l'image de Notre-Dame, Saint-Jehan l'Évangéliste, Marie-Madeleine, Marie-Marthe, Joseph d'Arimathie, Nicodémus, avec le gisant et le tombeau du dict sépulcre de la sorte et manière que le cas requiert et qu'il est accoustumé de faire en tel cas. 2 mai 1507. Ces sépulcres où l'on groupait autour du Christ 6, 8 ou 10 personnages, grandeur nature, étaient depuis le XVe siècle et restèrent pendant la plus grande partie du XVIe un des thèmes les plus populaires de la sculpture religieuse. on en trouve encore un grand nombre dans nos églises. Ceux de Solesmes, de Saint-Mihiel, œuvres de Ligier Richier, sont les plus célèbres. Mais à Arles, à Pontoise, à Limoges, à Tulle, à Carenac, à Troyes, à Poitiers, à Chaumont, à Montdidier, à Sissy, à Bordeaux, à Monestier, à Doullens, à Saint-Germain-l'Auxerrois, 1505, à Saint-Saturnin de Tours, et dans 20 endroits encore, sur tous les points du territoire, existent ou existaient des mises au tombeau, quelquefois des évanouissements de la Vierge, dont Saint-Mihiel et Solesmes possèdent également les plus célèbres exemplaires. Le second groupe des sculptures de Solesmes date de 1540-1553. Les progrès du classicisme y sont sensibles. On y voit paraître dans l'architecture les triglyphes et les patères, et dans les figures, l'idéalisme déjà conventionnel. M. Palustre a proposé de les attribuer à des artistes angevins, Jean Desmarais et Jean Griffard, qui, en 1537, s'engageaient à faire les 8 statues placées au pignon de la cathédrale d'Angers, et à Jean de Lespine, 1504-1576, qui, en 1533, construisait l'autel Pincé. Le tombeau des Carmes, à Nantes, se rattachait encore à la tradition des tombeaux des ducs de Bourgogne qui avaient fait école. La sépulture que Guido Mazzoni fut chargé par Louis XII d'ériger pour Charles VIII consacrait en France un type nouveau qui devait recevoir dans la suite de magnifiques développements. Déjà à Cléry, sur le tombeau de Louis XI, le défunt avait été représenté agenouillé, au rang, non plus gisant, sur la plateforme du sarcophage. Sur le monument de Charles VIII, on voyait aussi son effigie représentée à genoux près le naturel, une couronne et un livre sur un oratoire aux quatre coins du tombeau, le tout cuivré d'or, sauf l'effigie, dont la robe est d'azur semée de fleurs de lys d'or. La polychromie était encore et resta jusqu'à la fin du XVIe siècle fréquemment employée dans la sculpture. C'est également en haut rang que Philippe de Comines voulut être protecturé sur son tombeau, dont il dirigea lui-même l'exécution, 1508. Les motifs païens venaient s'y mêler aux symboles chrétiens. Orphée et le bon pasteur, le sphinx de la route de Thèbes et l'aigle de Patmos, Adam et Ève et l'enlèvement d'Europe, le supplice de Tantale et l'histoire de Samson, les vertus assises sur des animaux symboliques et le triomphe de l'amour y manifestaient d'une manière significative la tendance des idées, les goûts d'un lettré et les conquêtes du classicisme, tandis que les figures restaient encore d'un réalisme intransigeant. Il en est de même à des degrés différents pour un grand nombre de tombeaux de l'époque. Si le monument que Louis XII fit exécuter pour ses ancêtres dans l'église des Célestins voulait être, par le type des gisants dans la tradition française, messieurs de Guillermy et Courageaude y ont justement signalé l'œuvre d'un ciseau italien. Celui de René d'Orléans de Longueville, morte en 1515, réunit avec un grand charme le caractère de l'une et de l'autre école. Ceux des cardinaux d'Amboise, 1513-1525, à Rouen, où les figures sont dans le sentiment de Michel Colombe et les arabesques dans celui des Justes, quoiqu'il n'y soit l'un ni l'autre pour rien et que l'honneur de ce beau monument doive revenir à Roulant le Roux, sous qui travaillaient un grand nombre d'artistes, ceux de Pierre de Roncherolles et Marguerite de Châtillon à Écouy, des Gouffiers dans la chapelle d'Oiron, de Guillaume de Montmorency et d'Anne Pau à Saint-Martin de Montmorency, dont Martin Cloistre, en 1524, et après lui Benoît Bombereau, tailleur d'images, demeurant à Orléans, exécutèrent tous les pilastres faits à l'antique. Ceux de Charles de Lalin au musée de Douai, de Charlotte d'Albret, de Louis II de la Trémoille, également par Martin Cloistre, tailleur d'images de Grenoble, demeurant à Blois, présentaient le même caractère. Les sépultures, autrefois à Saint-Germain-l'Auxerrois, de Louis de Poncher, mort 1521, et de Robert Legendre, mort 1528, Roberta insignis gemma pudi citiae, comme disait son inscription tumulaire, sont au premier rang des chefs-d'œuvre de cette époque. On ignore le nom du grand sculpteur qui les a taillés. Émeric David a nommé juste qu'il croyait Tourangeau. Mais il ne faut retenir de son opinion que l'attribution de ces deux chefs-d'œuvre à l'école de Tours. Ils sont bien français, en effet, et bien tourangeaux. Ils représentent, avec une insigne perfection, ce que fut dans la fleur au premier moment de son éclosion au jardin de Touraine et sous les caresses du ciel tempéré de la Loire, cet art français, délicat et naturel, gracieux et discret, où les vieilles traditions naturalistes de la race et de l'école, sans rien abdiquer de leur sincérité, dépouillèrent au contact de l'art classique leur rudesse, amortirent leur fougue, et par-delà les violences de l'école franco-flamande, semblèrent retrouver, avec plus de précision dans le caractère individuel et de souplesse dans la forme, la belle eurythmie et la noble sérénité de la statuaire du XIIIe siècle. La Vierge d'Olivet procède du même art et est née dans le même milieu. C'est aux environs de Michel Colombes, c'est au bord de la Loire, qu'il faut chercher les origines de cette œuvre exquise et savoureuse. Les justes n'ont rien à y voir. Depuis les beaux travaux de messieurs de Montaiglon et de Milanesi, on peut suivre avec quelque précision le rôle en France et l'œuvre de cette colonie de sculpteurs arrivée d'Italie dès le début du XVIe siècle. Leur nom de famille était Betti. Ils étaient originaires de San Martino à Manzola, à 3 kilomètres de Florence. L'œuvre la plus ancienne qu'ils aient signée chez nous est le tombeau de Thomas James, évêque de Dole, grand appréciateur de l'art italien, dont les gracieuses arabesques s'étalent sur les murs de granit de la sombre cathédrale comme un tri de ténor sur les austérités du plein champ. Il porte le nom de Jean et la date 1507. Skelte struxit opus magister istut Iores cuius cognomen est Justus et Florentinus. Le tombeau des enfants de Charles VIII, 1506 à Tours, un bas-relief de la bataille de Gênes à Gaillon, une biche pour les jardins de Blois, une Léda et un Hercule pour Fontainebleau, les tombeaux de Thomas Boyer et de Catherine Brissonnet, mort 1523, à Saint-Saturnin, étaient aussi de leur façon. Mais l'œuvre la plus importante qui reste d'eux est le tombeau de Louis XII et d'Anne de Bretagne, exécuté de 1516 à 1531 par Jean Juste en grande partie. Les deux gisants, couchés sur leur linceul, sous la plateforme qui supporte les orans, avec les marques des incisions de l'embaumement, sont les meilleurs morceaux du célèbre monument. L'italianisme en est surtout sensible dans les figures assises des apôtres et des vertus et dans les bas-reliefs des soubassements où les soldats de l'entrée de Louis XII à Gênes sont copiés sur ceux de l'arc de Titus, vêtus ou armés à la romaine. Au contraire, pour le magnifique tombeau que Philibert de Lorme éleva à François Ier et où il tira un si triomphant parti du thème de Guido Mazzoni et des Justes, Pierre Bontemps s'engageait, par contrat du 6 octobre 1552, à faire et parfaire bien et dûment les histoires et défaites de la journée de Cérisole, selon les annales et chroniques de France, remplies et garnies de chevalerie, gens de pied, artillerie, enseigne, estendard, trompette, clairon, tambour, fifre, munitions, camp, pavillon, bagages, ville, châteaux et autres choses, approchant suivant la vérité historielle de la dite chronique. Et pour Marignan, comme pour Cérisole, c'est dans leurs costumes et harnachements de guerre que le sculpteur français représenta les soldats de François Ier. Par la fermeté et l'ampleur de la facture, la statuaire de ce tombeau, dont les parties principales sont de la main de Pierre Bontemps et de François Marchand, et où l'on voit intervenir dans la décoration de la voûte les noms de Perret, Chanterelle, Ponce Jacquiot et Germain Pilon, alors à ses premiers débuts, a toutes les qualités franches, directes et vigoureuses de l'école française. L'architecture témoigne d'ailleurs, par ses profils sobres et élégants, de la ferveur de Philibert de Lorme, pour les principes antiques autant que de la finesse de son goût. Bien qu'il ait été désigné par Gardet et Bertin dans leur « Épitome de Vitruve », publié à Toulouse en 1556, comme sculpteur et architecte de grand bruit, que lui-même, à la suite d'une traduction du livre de Vitruve, publié à Paris en 1547 par Jean Martin, secrétaire du cardinal de Lenoncourt, ait écrit une dissertation sous ce titre « Jean Gauvion, studieux d'architecture, au lecteur, salut », et que Jean Martin, dans son épître à Henri II, proclame qu'il a enrichi sa traduction de figures nouvelles concernant l'art de la maçonnerie par Maître Jehan Goujon, naguère architecte de Monseigneur le Connestable, et maintenant l'un des vôtres, et l'un des premiers parmi les excellents personnages dignes de l'immortalité, nous ne connaissons aujourd'hui de Jean Goujon que l'œuvre du sculpteur. Dans quelle mesure faut-il, pour ce qui le concerne, entendre ce mot d'architecte ? Eut-il vraiment une part plus prépondérante qu'on ne pensait pour les choses d'architecture dans sa longue collaboration avec Pierre Lescot ? Fut-il simplement un architecte décorateur et son rôle se borna-t-il à l'ornementation et à la sculpture monumentale ? Sur tout cela, on ne saurait rien avancer qu'avec une extrême réserve. Toujours est-il que dans sa dissertation du Vitruve de Jean Martin, Goujon parle de géométrie et perspective comme essentielles parmi les autres sciences requises à décorer à l'architecture ou art de bien bâtir. Et dit-il, n'est aucun digne d'être estimé architecte s'il n'est préalablement bien instruit en ces deux. La connaissance que Dieu m'en a donnée me fait enhardir de dire que tous les hommes qui ne les ont point étudiés ne peuvent faire œuvre dont ils puissent acquérir guère grand louange si ce n'est par quelque ignorant ou personnage trop facile à contenter. À cette cause, j'ai toujours désiré faire voir au monde le profit qui en peut succéder et rend grâces infinies à la bonté divine qui m'a donné l'accomplissement de cette mienne volonté. Bien qu'il ait été parmi les plus fervents admirateurs de l'antique, il ne semble pas pourtant qu'il ait fait le voyage d'Italie. Il y alla, mais à la fin de sa vie, pour y mourir, en fugitif plus qu'en pèlerin de l'art. Il était sans doute normand, c'est en Normandie que commence son activité artistique. Et dès qu'on y put saisir sa trace, Maître Goujon, ou Gougon, comme écrivent les contes, est déjà reconnaissable. Les figures à plat relief qui ondulent à fleurs de bois entre les statuettes de saints posées sur la corniche de la porte de gauche de Saint-Maclou à Rouen annoncent déjà les nymphes de la fontaine des Innocents. La statue de Georges II d'Amboise, alors simple archevêque, qu'il avait faite pour le tombeau de la chapelle de la Vierge de Notre-Dame de Rouen, a disparu pour faire place à l'effigie cardinalis que l'on y voit aujourd'hui. C'est après ce travail achevé qu'il paraît avoir quitté Rouen pour venir à Paris, où on le trouve, 1544-1545, occupé aux sculptures du pupitre ou jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois. La déposition de croix et les quatre évangélistes ont été recueillis au musée du Louvre et témoignent sinon de la puissance dramatique, du moins de la souplesse du ciseau de Jean Goujon, de la grâce délicieusement sinueuse et maniérée de son style, où les italianismes, certes, ne sont pas absents, mais se fondent dans le courant d'une inspiration riche de sève et de verve. Il devait reprendre bientôt après, mais dans un style un peu plus sévère, pour la décoration de l'hôtel des Coins, ce motif des évangélistes, pour lequel il eut toujours une prédilection, où l'on a voulu voir une marque de ses idées ou sympathies de réformé. Le bas-relief central de l'hôtel des Coins représente le sacrifice d'Abraham et l'ensemble dans l'encadrement d'une architecture sobre et délicate et du plus beau caractère. À l'hôtel Carnavalet, les bas-reliefs puissants et gras de l'arc au-dessus de la porte d'entrée sont seuls tout entiers de sa main. Il a mis tout son génie dans les nymphes qui décoraient la fontaine Loggia, élevée à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue au Fer ou du Fouard, en vue de l'entrée de Henri II. Elle était terminée le 16 juin 1549, enrichie de figures de nymphes, fleuves et fontaines, à demi-taille, ensemble de feuillages, si artificiellement indoyant et refendu qu'il n'est possible de l'exprimer en petit de parole. Comme écrivait la même année Jacques Raffet de Le Faucheur, cité par M. de Montaiglon, il a pris une joie visible à modeler ses dos gras et tordus de tritons, ses corps longs et ondoyants de nymphes souriantes, ses draperies légères et fouillées, symboles délicieux des eaux vives et claires de la terre de France, du paganisme littéraire de la Renaissance, illustration à graver en marge les plus beaux vers de Ronsard. À Annay, il se trouva appelé à une sorte de tournoi avec Benvenuto Cellini, qui comptait parmi les plus arrogants et bruyants de la colonie italienne, établie au Petinel ou formée par le Rosso et Primatis à Fontainebleau. La nymphe de la fontaine de Fontainebleau ayant été donnée par Henri II à Diane de Poitiers, Philibert de Lorme l'avait encastrée dans le tympan de la porte d'entrée. Goujon reprit pour la fontaine de la cour d'honneur le même thème et le même motif. Seulement, dit M. de Montaiglon, dont on est heureux de pouvoir invoquer ici l'autorité, autant la femme de l'orfèvre est sèche, disgracieuse et dégingandée, autant la déesse de Goujon est harmonieuse. Enfin, il fut appelé à prendre aux travaux du Louvre une part importante. Dans la salle à la mode des antiques, que François Ier avait pu voir à peine commencer, il sculptait la belle tribune des musiciens, soutenue par des cariatides dans le style de celle qu'il avait dessinée pour le Vitruve de Martin. Le marché rapporté par Sauval était du 5 septembre 1550. Jusqu'en 1560, Goujon figure sur les comptes et jusqu'à cette époque, la décoration sculpturale du Louvre, œil de bœuf, escaliers, frises et frontons, depuis les minces reliefs à fleurs de pierre jusqu'aux plus hauts reliefs ressentis, est de son art livré de sa main. Et c'est en 1560 que Ronsard, dans son épître à Pierre Lescot, célébrait la renommée de l'œil de bœuf de l'angle sud-ouest, au-dessus de la porte du tribunal. Et pour cela, tu fis engraver sur le haut du Louvre une déesse à qui jamais ne faut le vent à joue enflée au creux d'une trompette, et la montra au roi, disant qu'elle était faite exprès pour célébrer la force de mes vers, qui, comme vent, portait son nom par l'univers. À partir de 1562, Jean Goujon disparaît. La légende s'était emparée de toute cette partie obscure de sa biographie. On sait aujourd'hui, par les pièces conservées aux archives de Modène, des procès faits par le Saint-Office qu'il dut probablement, pour fuir la persécution religieuse, quitter la France, et qu'il mourut avant 1568, entre 1564 et 1568, à Bologne, où étaient réunis plusieurs de ses compatriotes en communauté d'opinion religieuse avec lui. Il est remarquable qu'un grand nombre des artistes de la Renaissance française, Goujon, Cousin, Ligier, Richier, Ducerceau, Palissy, etc., furent séduits par les idées de la Réforme. Germain Pilon, ayant vécu jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est à propos de l'art sous les derniers Valois qu'il sera parlé de son œuvre. La peinture et les arts mineurs. Les vieux peintres français ont été les victimes de la Renaissance classique. À mesure que la pédagogie italienne a pris plus de crédit chez nous, on a englobé, dans un mépris général, tout ce qui avait été fait en dehors d'elle. Et quand, après 3 siècles de dédaigneux oublis ou de destruction systématique, on essaie de retrouver leurs œuvres, il faut bien avouer qu'on ne sait à peu près rien. Parmi les successeurs de Jehan Fouquet, Jehan Bourdichon, peintre et valet de chambre du roi, tient le premier rang. Pendant près de 40 ans, sous 4 rois, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ier, sous le règne duquel il mourut en 1521, il occupa à la cour l'office de peintre royal et fit loyalement dans tous les genres tout ce qui concernait son étang. Depuis la peinture des tabernacles, chaises et armoires, les modèles de robes, de coiffures ou de bijoux pour la reine, jusqu'à l'enluminure des manuscrits et la portraiture, d'après le vif, du roi ou de saint François de Paule, il laissa certainement une œuvre considérable autant que variée. Ce qui nous en reste aujourd'hui dans le livre d'heures d'Anne de Bretagne, Bibliothèque nationale, nous le montre digne continuateur du grand Fouquet, mais déjà plus tempéré et d'une sincérité moins intraitable. À côté de lui, il faut citer Jehan Peyréal, dit Jehan de Paris. Il est célébré de son temps comme un grand peintre. Jean Lemaire, disciple de Molinet, secrétaire et historiographe d'Anne de Bretagne et de Marguerite d'Autriche, dont Clément Marot a pu dire, fort abusivement d'ailleurs, qu'il eut l'âme d'Homère le Grégeois. Le met dans sa plainte du désiré au rang des plus fameux et convie les peintres ses contemporains à « voir nature avec Jehan de Paris ». Mais ce que nous connaissons de lui, c'est surtout son rôle d'intendant et d'intermédiaire, un peu brouillon, entre les grands et les artistes. Et rien n'autorise à lui attribuer le joli tableau du Salon Carré du Louvre, où la piété d'un de ses admirateurs confiants a voulu inscrire son nom. Jean Bellegambe, de Douai, n'eut pas d'emploi à la cour, mais il tint parmi ses concitoyens, au premier tiers du XVIe siècle, une place importante. Les œuvres de lui ou de son école, conservées à Douai, à Arras, à Berlin, le montrent pour l'interprétation de la forme et le sentiment des figures, étroitement fidèles aux traditions gothiques et naturalistes, tandis que dans les parties d'architecture, il aime à imiter les motifs classiques à la mode. C'est aussi du Nord que vinrent à l'école française du XVIe siècle les meilleurs peintres dont elle ait conservé le souvenir, les Clouet, Si dispersée que soit leur œuvre, et quelques difficultés que l'on trouve à citer d'eux des tableaux dont l'authenticité soit formellement démontrée, on commence, grâce aux travaux du marquis de Laborde et de M. H. Bouchot, à les connaître mieux. La plus ancienne mention qui soit faite de leur nom est sur la liste des peintres en titre d'office pour l'année 1516. Jamais Clouet y figure à la suite de Jehan Bourdichon, Péréal, Nicolas Belin de Modène, Barthélemy Guetti, dit Guyot. Ce Jamais Clouet, dont le nom se transforme en Jehanais, arrivait des Flandres et s'éleva par promotions successives jusqu'au rang de peintre et valet de chambre du roi, 1533. Il vécut surtout à Tours, où il avait épousé Jeanne Boucaud et où son fils François vint au monde en 1522. En 1540, François le remplaça d'emblée en toutes ses charges et prérogatives. Il hérita aussi du nom de guerre de son père, si bien que le souvenir du nom d'origine se perdit et qu'il fut Jeannet pour tous ses contemporains. Pour bien tirer un personnage au vif, il fut au premier rang parmi les plus habiles, et son nom retentit sur toutes les lyres du temps. « Peins-moi, Jeannet, peins-moi, je te supplie, sur ce tableau les beautés de ma mie, de la façon que je te les dirai. Lui écriront ça, et ce qu'il veut, ce n'est pas un portrait embelli, idéalisé et menteur. Il suffit bien, si tu la sais pour traire, telle qu'elle est, sans vouloir déguiser son naturel pour la favoriser. » François Clouet est bien en effet de l'école de l'observation sincère et directe, et il ajoute à ses qualités la finesse et l'élégance. Dans ses crayons, la sobriété des moyens n'a d'égal que le charme de l'exécution et l'intensité de la vie. On pourrait à ces noms en ajouter plusieurs autres, mais Corneille de Lyon et deux ou trois autres exceptés, sans avoir d'œuvres authentiques à en rapprocher. Et de même un grand nombre d'œuvres, depuis les peintures murales de la Chaise-Dieu ou de la cathédrale du Puy, qu'un maître septentrional vint y exécuter à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, aux frais du chanoine Pierre Audin, mort 1512. Jusqu'à tant de portraits délicats et expressifs restent dépossédés du nom de leurs auteurs. Illacrim habiles carent quia vate sacro. En face de ces représentants des traditions nationales, les peintres ultramontains vinrent de bonne heure établir une école rivale, bientôt victorieuse. Louis d'Amboise, évêque d'Albi, fait couvrir, à l'imitation de la chartreuse de Pavie, les voûtes de sa cathédrale par un atelier italien où brille, à côté de Johannes Franciscus Doneggia, Pictor Italus, et de plusieurs autres, une bolognaise, Lucrezia Cantora Bolognese. 1513. En 1531, Francesco Primaticcio, 1504-1570, arrivait, suivant de près Rosso del Rosso, 1541, qu'il remplaça dans sa charge de peintre ordinaire du roi. Il réunissait bientôt autour de lui une légion d'artistes, peintres, stucateurs, sculpteurs, dont les comptes des bâtiments du roi nous ont conservé les noms et qui travaillent sous sa direction, puis sous celle de Niccolò dell'Abbate à la décoration de Fontainebleau. Aventure d'Ulysse, Banquet des dieux, Scène de la vie d'Alexandre, Parnasse et Olympe, Nudités mythologiques et héroïques, Gestes arrondis, Musculatures inutilement titanesques ou fadement sentimentales. Telle est l'œuvre de l'école de Fontainebleau qui allait devenir l'école de l'art français. On en vint par grand amour de l'Antiquité à représenter François Ier coiffé d'un casque, ayant à la main l'épée de Mars, aux pieds les talonnières de Mercure, sur ses épaules le carquois de l'amour. Dans les émaux peints pareillement, dont les Nardons et les Jehan Pénicaud, les Limousins, les Courtais, les Pierre Raymond portèrent si haut l'art et la renommée, on voit la mythologie et l'allégorie classique prendre de plus en plus de place et d'importance, les copies des estampes italiennes se substituer à celles des écoles du Nord et d'Albert Dürer, jusqu'à ce que, dans un émail de Léonard Limousin, plat aux armes du connétable de Montmorency, la cour de Henri II soit transformée en assemblée des dieux. L'art du vitrail, entre les mains des Engrand le Prince, des Robert Pinet-Grillet, des Jean Cousin, se transforma sans déchoir de son antique gloire. Ce furent des verriers français que l'on manda au Vatican pour y travailler sous la direction de Raphaël. La décadence commença sous Henri II avec l'application des émaux. en dispensant de la féconde et fortifiante discipline de la mise en plomb et en fournissant plus de facilité pour l'interprétation des formes et la reproduction des nuances, le procédé nouveau rapprocha le vitrail du tableau de chevalet et lui fit perdre sa beauté propre et sa saveur. La céramique, avec les produits délicats de la fabrique de Saint-Porchaire et le grand nom de Bernard Palissy, la sculpture sur bois, chêne ou noyer, appliquée aux meubles, cabinets, chairs, cactoires, coffres, stalles, etc., sans parler de portes comme celle de Beauvais, 1535, œuvre de Jean Le Pot, qui se montre dans les écoles provinciales si riches de sève et d'invention, ne peuvent être ici que mentionnées. Fin du chapitre 7, enregistré par Christiane Johan.